Le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple a présenté le 16 courant un éditorial condamnant la Maison Bleue qui a surveillé le président de la Cour suprême et le président du tribunal de grande instance de Chuncheon. Par ailleurs, selon la radio sud-coréenne KBS, le porte-parole du Parti démocrate de bureau à l'Assemblée nationale a tenu le 18 courant une conférence de presse pour critiquer la conduite téméraire du Premier ministre, président par intérim de la République.